Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Vous avez un problème, nous avons un podcast. Bonjour et bienvenue à la balado-diffusion, pas de problème. Ici Frédéric Barbouchy en compagnie de Simon Rousseau. Bonjour Frédéric. Salut Simon. Étienne Théberge. Bonjour Frédéric, bonjour Simon. Et Mathieu bonjour. Bouillon. Miaou. Ok, je te laisse de la place pour continuer. Non, aujourd'hui c'était le petit chat. Qui est présent spirituellement, avouons-le. Oui, le reverb est une gracieuseté de l'appartement de Simon. Le toit cathédral de Simon. Oui. Et un verre avec un iPhone dedans. Donc, c'est ça, on le fait comme la semaine passée, on essaie de toujours être présent chaque semaine pour vous en donner. Et puis, cette semaine, on se rencontre pour en faire deux. Donc, celui de cette semaine et celui de la semaine prochaine. Oui. Les gars sont particulièrement courageux parce qu'on a deux personnes allergiques aux chats parmi nous. Oui. Et j'ai un félin. J'ai un filou félin. Oui. Qui se couche à la table des fois. Alors, les gars ont pris des peanuts à chat. Ça devrait bien être. Ouais, on est full peanuts à chat. Top. Snake est dans la place. Oui. Ah, oui. Snake étant mon chat. Oui. Mais aussi, la vedette de Metal Gear Solid. Oui. Alors... Solid Snake. Solid Snake. alors, qu'est-ce que c'est? Pas de problème pour ceux qui nous écoutent pour la première fois. Eh bien... c'est une balado-diffusion où quatre experts en rien s'improvisent experts en tout, le temps de trouver des solutions à votre problème, tout en essayant de refaire le monde un préjugé à la fois. Oh yeah! Donc... c'est une belle nuance qu'on vient d'ajouter. Oui. Non, mais en fait, nos auditeurs ou n'importe qui nous envoient des problèmes et puis nous, on offre des solutions. Et cette semaine, c'est un balabro... Un broadcast, c'est un compagnon de podcast qui nous envoie ça. C'est Pierre-Luc de Trois-Bières. D'ailleurs, on est sur RZO, RZO.com, où il y a plusieurs balados à écouter. Et Trois-Bières est là-dessus, pas de problème est là-dessus. Et les autres. Donc, les autres sont là-dessus aussi. Oui. Et Trois-Bières, c'est quoi le concept rapidement? Trois-Bières, pour ceux qui ne connaissent pas Trois-Bières, c'est très simple. Ils ont un sac à sujet et le temps d'une bière. Ils pigent un sujet et le temps d'une bière, ils en parlent. C'est un bon timer naturel, je trouve. Oui, oui, oui. Puis à la fin de la bière, t'entends ceci, ding, et cela, ding. En tout cas, bref, il y a une petite cloche qui sonne la fin. Je l'ai fait une couple de fois, parce que c'est aussi mes amis de lutte. Oh, oui. Là, si on vient d'ouvrir on rouvre une grosse porte. Oui, compagnon d'infortune. Oui, voilà. Donc, en fait, quand je dis à ma blonde, je m'en vais voir de la lutte avec mes amis de lutte, c'est eux autres. Avec la gang. Et comment ça marche? Est-ce que dès qu'il y en a un qui a fini sa bière, c'est parce que je pense pas que tout le monde boit au même rythme? Ouais, c'est ça. OK. Ils sonnent. Ben, t'écouteras. D'ailleurs, j'oubliais, ils fêtent leur 100e le 10 mai prochain. Bravo, Trois-Bières. Et ils font un live event. Ah oui? Donc... Rapportez vos Trois-Bières. C'est où. J'ai pas suivi la saga. Ils cherchaient. Dans un sous-sol d'église, après un gala. Non, genre... oui. Après un gala de lutte. Non. Ils font... allez voir l'événement. Allez voir Trois-Bières sur Facebook. Il y a l'événement. Puis allez les voir en live. Yeah! J'y serai peut-être. Non, mais ma blonde travaille. Fait que c'est ça. Puis comme elle travaille pas souvent. Non, c'est ça. Bon. Puis mal aussi, elle travaille mal. Elle travaille mal. C'est peut-être pour ça qu'elle travaille pas souvent. Bon, 10 minutes d'intro pour 5 minutes de podcast. Oui, c'est notre nouveau truc. C'est ma solution préférée. Alors, le problème nous vient de Pierre-Luc qui nous dit « Salut, pas de prob. J'ai acheté un triplex. » Et les deux logements se libèrent. Comment identifier les bonnes personnes des mauvaises lors de leur visite? Pierre-Luc Racine. Pam, pam, pam! Moi, je pense qu'on a mal formulé le problème, c'est Comment identifier les bonnes personnes des mauvaises lors de leur visite n'ayant pas le filtre Coder? Parce que on sait que le maire Coder, lui avait parlé du filtre Coder. Qui serait? J'ai manqué ça. Moi, j'ai manqué le filtre. Pendant les élections municipales, et il y avait, tu sais, toutes les questions de fraude, puis de corruption. Mm-hmm. Puis il faisait, comment vous faites pour savoir que ceux qui sont dans votre parti sont corrects? Et il disait qu'il y avait le filtre Coder, qu'il les regardait dans les yeux. Et il savait s'il mentait. Et il savait. Mmh. Ah, fait qu'il a parlé dans cette campagne-là. Je pensais qu'il avait juste rien dit. Ouais, juste fait des apparitions comiques. OK, mais j'aille pas ça, le filtre Coder. Ça prend le filtre Coder. Ça prend Coder sur place. Oui. Mais peut-être que le filtre racine, il faudrait qu'il développe son filtre racine. Oui, oui. Vous, avez-vous un filtre? Mais sinon, comme Coder est sur Twitter, peut-être que juste de prendre des photos des gens qui visitent puis envoyer ça à Coder sur Twitter. Oui, c'est vrai, ça. Utiliser le filtre Coder. Oui, lui, il est-tu bon? Il est-tu pas bon? 5$ l'évaluation. C'est vraiment super. Pourquoi en inventer un autre alors qu'il existe? Oui, juste un oui ou un non. Monsieur le maire, c'est pas long, lui, hein? Non. Oui, non. Oui, non. Non. Hashtag filtre Coder, réponse oui, non. Puis ça pourrait être parfait pour M. Coder, parce que si ça marche, les gens feraient « Hey, Sanjo, son filtre, là, c'est super, là, je n'ai eu que de bons locataires. » On pourrait développer une application. On se met à le truster, puis là, on croit qu'il y a peut-être un peu de crédibilité qui vient de revenir à l'hôtel de ville. Il y a le monopole du jugement de la personne. Mais là, il y a la crédibilité chez les fêtards sur Crescent. Oui! Coder, ben bref, on s'embarque. Ouais. Ben, moi, j'ai pas ça, j'ai l'impression que t'es en train de, de me faire rattraper beaucoup. Non, mais je fais juste penser, tu sais, des fois, je croise du monde qui me parle de pas de problème, ils font « Ah ouais, je suis rendu à 168. » Fait que là, quand ils vont écouter celui-là, ils sont juste... Denis va être en prison. Denis va être en prison, peut-être, oui. À utiliser son filtre sur ses... Sur lui-même! Sur lui-même! Sur lui-même! Dans le miroir, plus sérieusement, il y a une nouvelle émission à Canal Vie qui s'appelle, je pense, Proprio en otage. OK. Et c'est, je pense, des cas québécois en plus de, genre, mauvais locataires, tu sais, des espèces de cas extrêmes, là. Mm-hmm. Donc, moi, je dirais à Pierre-Luc... Regarde Canal Vie, prends des notes. En otage, ouais. Je pense qu'on a plein d'amis qui jouent les méchants locataires en plus. Ah oui. J'ai vu ça dans l'annonce. Mais ce qui est très dur, c'est qu'au Québec, t'as pas le droit de choisir tes locataires en théorie. Ouais, c'est ça. La régie du logement t'interdit de faire un choix, à moins que ce soit pour des raisons que les gens n'ont pas les moyens de payer l'appartement que tu loues. Ah. Attends, s'il y a plusieurs personnes qui se proposent, tu peux. T'es obligé de prendre le premier. Ah, le premier qui te dit qu'il le prend, t'es obligé de le prendre. Mais là, pourquoi? Pourquoi? Mais je sais pas que je loue un appartement, je te stressais de même d'abord. Parce que, évidemment, les gens ne se fient pas à la régie du logement. OK. Étant propriétaire moi-même, tous les propriétaires ont développé des petites crosses pour réussir à contourner ce règlement-là. À partir de maintenant! Non! Non, mais dire, par exemple, aux gens qui viennent visiter, « Ouais, j'ai déjà trouvé quelqu'un, mais tu serais sur la liste d'attente. » Ça, c'est une des façons que les propriétaires ont trouvé pour... C'est un bon truc, pour bypasser le « Ah, t'es le premier à visiter. Ouais, » Je pensais que ça serait plus genre « Tu veux pas louer cet appart-là. » Fais-moi confiance, tu veux pas le louer. Oui, ça parle de dépôt aussi. On n'a pas le droit de demander un dépôt au Québec. Mais en tant que locataire, tu as le droit de proposer un dépôt. OK. Non, je sais pas. Je pense pas. Je pense même pas que tu as le droit de l'accepter. Non, tout ce que tu as le droit de demander en fait comme propriétaire, c'est le premier mois du loyer, le premier versement. OK. Pour réserver l'appartement pour, par exemple, le mois de juillet, quand tu l'ouvres le 1er juillet. Tu peux proposer le dépôt, mais là, le filtre Coder va te pogner tout de suite, tu vas être barré. Illégal. Ouais, c'est ça. Moi, un des trucs que j'avais trouvé, c'est de faire attention où tu mets ton annonce pour ton logement. Par exemple, si tu mets une annonce dans le Journal de Montréal, ben, t'attires une certaine crowd. Si tu mets ton annonce dans le Voir, t'attires une certaine crowd. Si tu mets ton annonce sur Kijiji, t'attires une certaine crowd. Moi, le truc que j'avais trouvé, c'était de mettre mon annonce sur Facebook. Okay. Comme ça, je savais que les gens qui partageaient l'information, c'est des gens qui me connaissaient déjà. Mm-hmm. Donc, à quelque part, tu sais, je finissais par louer à... du monde responsable. Non, mais je finissais par trouver quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui me connaissait. Ouais. Fait que ça restait toujours dans un milieu plus ou moins proche de ce que moi, je fais. Tu pourrais le mettre dans le Urbania ou dans l'actualité. Oui. Oui. Non, mais t'as quand même un espèce de saut d'approbation de la personne aussi. Ouais, c'est pas pire, ça. Le fugue ou la presse plus. Oui. Tu oui. Moi, je veux un locataire avec un iPad. Ouais. Oui. Ça attire des oui, ça attire des corps différents. Dans le Québec Science. Mais une fois que. Il y a pas de petites annonces dans le Québec Science. Hein, dans les débrouillards. Ça va Beppo. Ah oui, non, il y a un bon choix à faire, j'avoue. Oui. Mais j'imagine qu'on cherche un peu alentour. Mais moi, je pense qu'il faudrait essayer de définir c'est quoi une bonne personne, puis c'est quoi une mauvaise personne. Une bonne personne, c'est une personne qui paye, puis dont tu n'entends pas parler le reste de l'année. Ouais. Pour moi, c'est ça, une bonne personne. Un bon locataire, là, c'est ça. Puis je suppose qu'il protège tes infrastructures. Ben, qu'il les respecte. Qu'il les respecte, là. Ouais. Dans le cadre de la vie normale, là, maintenant, si ta toilette bouche, ça arrive, là, mais si c'est parce que tu mets tout ce que tu as chez vous dans ta toilette. Dans toilette, c'est ça, tu l'utilises comme composteur. C'est ça. Fait que pas un crotté, mettons. Pas un fêtard non plus. Mais ça, il y a des questions tricky qu'on peut poser hein, pour ça. Par exemple, nous, à un moment donné, on avait une madame qui était venue pour louer l'appartement. Puis, tu sais, ça avait l'air d'une bonne madame, là, tu sais, dans 45 ans, 50 ans, qui avait l'air bien tranquille, habite tout seul, qu'elle veut vendre sa maison. Fait que ça, ben, tu sais, elle va être tranquille. Puis là, à un moment donné, on jase, puis on fait, là, elle fait, vous des loisirs? Puis elle fait, moi, je joue dans un groupe de djembé. Puis là, OK, soudainement, l'appartement, il est déjà loué à quelqu'un, puis tu tombes sur la liste d'attente, là, parce que tu veux pas avoir ça en haut de chez vous, qui a un groupe de djembé. Ils font des jams. Ah non, c'est des jams interminables. Là. Moi, là, combien de parties ont été scrappées à cause d'une gang de djembé? tu fais, un moment donné, c'est bien correct, là, c'est cute dans le coin, là, mais là, ça gangrène toute la place. Ouais. Et c'est que ça s'arrête jamais. C'est tellement pas bon, des jams de djembé, pour vrai. Là. Moi, ce que j'aime, ça, c'est un autre problème, là, mais j'essaie de m'en trouver un puis faire boum, boum, boum, boum. Tu sais, le beat de fin de la tour. Ouais. Non, ils vont juste trouver ça cool. Ça va les recréner. Non, tu peux pas sortir. Tu crains qu'à rien. Non, ils vont juste être contents que tu participes. Au contraire, chaque nouveau participant, c'est 1h15 de plus de fun. Tu sais ce qui est dégueu, mettons, t'as 8 temps là, dans une mesure, là, c'est que les 8 temps, il y a une percussion. C'est ça. Là, ils sont dans le téléphone. Ah mais... ouais, en plus. Non, mais ça montre à quel point c'est désagréable. C'est pourri. Ouais. Mais une mauvaise personne qui fait pas attention à ces choses, mais j'ai lu un peu, j'essayais de voir, j'ai lu. Type of evil personalities. Très bon. Il parle des gens qui ont une intelligence moyenne, qui sont mauvaises, puis qui font juste essayer de pas avoir l'air mauvaise, mais qui, dans le fond, c'est des chieux. Okay. Après ça, des personnes d'intelligence un peu supérieure qui sont mauvaises et qui, eux, leur but, c'est de sciemment faire chier les autres. Okay. Puis après ça, t'as les intelligents qui sont dirigeants d'entreprise ou dans la politique. Les génies c'est dans un blog là, que j'ai lu ça. Mais là, faut que tu puisses détecter ça. Ouais. Là, c'est là que moi j'aurais un truc pratique. Comment détecter les gens qui nous mentent en pleine face. Okay. Et moi, le contexte dans lequel je l'ai le plus appliqué, vécu même des deux côtés, c'est en jouant à un jeu de société qui s'appelle Diplomatie, dans lequel on doit négocier directement one-on-one avec des gens. Et on n'a pas le choix de décrosser un moment donné. Et les gens essaient aussi de nous mentir. Et ça fait que moi, je pense que de faire un bon mois intensif de diplomatie, fait qu'après, quand tu vas arriver devant des gens, tu vas avoir réussi à... Le radar à bullshit. Le radar à bullshit, tu vas développer un genre de filtre codeur personnel. Oui. Je suis certain d'ailleurs que peut-être que Denis... Oui. serait bon. Il a joué beaucoup à diplomatie à Ottawa. Je serais très curieux de faire une partie diplomatique de Denis Coderre. Vraiment, là, si un moment donné, quelqu'un m'invite et j'ai la chance, j'y vais. Là, je serais très... Si ça se joue sur Twitter, là, il est là. Oui. Au début, je me disais, un mois intensif avec les locataires que tu vas peut-être prendre. Non, tu peux pas. Non, c'est toi avant. Pratique-toi. C'est juste pour t'affûter un peu. Fais du diplomatie pendant un mois, puis après... Tu sais, pour passer le temps avec pendant que t'interviews le locataire, tu joues à une petite game, là, le jeu de cartes, le bullshit. C'est ouais. Puis là, tu joues à bullshit. Puis là, bullshit, ouais. Ou, tu sais, il y a la mafia aussi, quand même, qui est le jeu de la mafia, là. Oui. C'est le loup-garou. C'est la nuit. Ouais. Moi, je suis un terrible menteur là-dedans. Je pourrais. Je suis dégueulasse. Ah, moi, j'ai une piètre performance au chalet. Il paraît que les meilleurs menteurs, c'est ceux qui font à croire à tout le monde qu'ils sont des mauvais menteurs. Ah, ouais? Ouais. OK, ouais, c'est bon. Quand même. C'est vrai. Il y a beaucoup de monde que j'ai vu parmi les meilleurs joueurs nous ont fait à croire tout le long de la partie qu'ils ne comprenaient pas comment ça marche. Ouais, ça marche une game. J'ai trouvé sur WikiHow « How to act evil ». Okay. Fait que peut-être ça peut être des ils donnent des façons de devenir méchant, de comment agir ouais, de façon okay. méchante. J'aime pas ça. Mais peut-être que ça peut donner des idées à comment contrer ça. Ouais. Donc, il dit « get an evil look », donc okay. avoir un look evil. Peut-être que s'il a l'air d'un méchant, bon, c'est... Ouais. Peut-être une carte. Déjà, que ouais. c'est loin. Mais des fois, il ne faut pas se fier aux apparences. Ouais. Mais bref. Quelqu'un qui s'ostine. OK, ouais. Mm-hmm. Quelqu'un qui manipule les autres. Mm-hmm. Ouais. Ça, c'est pour devenir quelqu'un de mauvais. Okay. Amplify an evil look with an evil expression. OK. Une face fâchée. Ouais, c'est ça. Okay. S'il y a une face fâchée. Tu travailles de miroir, mais là. Des fois, à un certain âge, il y a des traits. Hein. Des fois, il y a des traits de sourire, les rides de sourire. On a l'air de plus en plus méchant en vieillissant. Ben, si on a toujours une face de méchant, ça finit par rester. Ouais. Ça finit par rester. Okay. C'est comme la vieille affaire de si tu crochais tes yeux, là, ça m'allait sa part. Oui, c'est de oui, même. Mais ça faut quelqu'un de nous taper dans le dos. Ah oui, ça revient avec la table dans non, ça reste. Adjust your voice and the way of speaking. Ah, c'est ça. Faut que tu... Si quelqu'un racle sa gorge, ouais. c'est peut-être un signe que c'est une mauvaise personne. Ah, quelqu'un de secretive. Mystérieuse. Puis quelqu'un qui s'entoure de gens mauvais. De vilains. Donc... C'est bon, mais qui est vilain, là? Qui que c'est clair qui est vilain, là? Ouais. Des gars qui jouent les orques d'un grandeur nature? Ouais. Eux autres, on le sait que techniquement, ils ont... Ça fait pas des vilains locataires pour autant. Non, c'est ça. À la limite, il pourrait avoir un homme très méchant, mais qui paye et qui est propre. T'hébergerais le chef des orques? Ben, chez vous? S'il est propre. C'est sûr qu'il est pas si propre. Non. Il est certainement pas si propre. Il doit en plus installer des genres de massues un peu partout ses mains. Ouais, attends, tu les envies, Simon. Pas les orques. mais peut-être que de définir c'est quoi un mauvais locataire aussi. Ouais. Tu sais, ça revient aussi à la première impression, tu sais, les choses qu'on peut apprendre d'une première impression. Tu sais, je pense à Sherlock Holmes, mettons, là, tu sais, qui était capable en un regard de tout te juger sur le passé d'une personne. Peut-être se référer à ça encore une fois là pour identifier les signes là, d'une personne, je sais pas, malpropre ou. Oui, ça négligée. Fait faire un test par un ami qui, tu sais, il découpe des photos de gens qui ont eu, qui ont des passés de mauvais locataires. Ok, ouais. Puis d'autres photos de gens qui sont corrects. Okay. Puis là, faut les détecter. Teste. C'est bon. Un peu comme la police, là, quand ils tirent sur des. Ouais, du profilage, un peu, là, ouais. Ça peut être le fun aussi, par exemple, de donner une chance à des gens qui, comme moi, mettons à 17 ans, là, 18 ans, quand j'essaie d'avoir mes premiers apparts, des fois, c'était compliqué, puis il y a beaucoup de monde qui me refusait juste de par mon âge, là. Ouais. Fait que des fois, ça peut être c'était intéressant. C'était pas juste ton look? Ouais, t'avais pas les cheveux longs aux fesses. Une grande tresse. Plutôt bottes de cowboy, bandana. Mais, non, ben là, je devais pas aider, mais il me semble que j'avais fait un effort, peut-être. Mais quand même, non, je disais, tu sais, des fois, ça peut être cool de donner. Je suis un bon locataire, c'est pas ça que je suis en train de le dire. Moi non plus. Le truc qu'on avait avec ma blonde, c'est de faire les visites à deux aussi. Comme ça, t'es deux à avoir une opinion sur la personne qui visite. Fait qu'au moins, après, tu peux en jaser puis essayer de comparer tes feelings. Parce que c'est beaucoup une question de feeling, ultimement. Là. Mm-hmm. Oui, tu peux checker les références puis la job de la personne, mais tout ce monde-là, ça peut être du monde qui n'existe pas pour vrai ou tu sais, des amis. Le panel! Un panel, genre des petits quiz, là, tu sais, sont un peu comme à Tom Crochu, là, sont assis. deux estrades dans le salon de l'appart que tu fais visiter. Mm. Shadow Grave. Le film Shadow Grave, ça commence avec ça. C'est le panel qui fait passer les entrevues. Oui. Ouais. C'est... Danny Boyle. Ouais. Ah. C'est pas avec... comment qu'elle s'appelle? Ewan McGregor. Ouais, puis l'autre, là. Ah, j'ai pas vu ça. Comment qu'elle s'appelle? Ça, savoir de quoi tu parles, je pense. Peut-être que quelqu'un d'autre, peut-être qu'il y a une personne. Mais je l'ai vu, finalement, C'est Petit Meurtre entre amis. Ouais, c'est ça. Petit Meurtre entre amis, ok, ouais. Avec, comment qu'elle s'appelle, elle joue dans le masque, là, puis... Cameron Diaz. Ouais, c'est ça. Ouais? Non? Je sais pas, je me rappelle plus de Cameron. Bon. Mmh. Cameron. T'as oublié Cameron Diaz. C'est incroyable. Ça m'étonne, ça doit pas être dedans. Mmh. Sinon, une autre façon plus farfelue, c'est d'y aller à l'odeur. Si la personne qui se présente pue, habituellement, c'est mauvais signe. Ben, peut-être prendre aussi des cues de notre vieux podcast que je n'ai jamais réécouté. Non, j'ai peut-être réécouté une fois, mais ça fait très longtemps. Sur comment m'assurer que mon locataire ne fume pas. Oui, ouais, c'est vrai. Oui, il y avait vrai. De ça. On avait un de bruit aussi, hein, mon locataire. Non, mon voisin fait du bruit. Ouais, c'est pareil. Le voisin. Ouais, c'est le voisin. Non, mais le locataire, ouais, c'est ça. On avait... Comment spotter quelqu'un qui fume. Ouais, après. C'est ça. Mm. Vous voulez s'assurer que leur locataire ne fume pas. Je pense que la démarche est différente aussi si c'est des gens qui habitent en haut de chez vous. Ouais. Ou si c'est juste un triplex que tu as dans lequel tu n'habites pas. Mais lui, je pense qu'il habite. Là. C'est un triplex, puis il veut en louer deux. Ouais. Mais peut-être que le troisième est loué à quelqu'un mais d'autre. Si il y en a juste deux qui se libèrent. C'est vrai, c'est pas. T'as raison, j'essayais de déduire quelque chose. Même si ça se peut. Mais justement, s'ils sont pour habiter en haut de chez eux, peut-être qu'il fait tester en marchant sur des planchers. S'ils visitent avec des talons hauts, ouais, c'est un indice. Clac, clac. Tu vas les entendre. Mais toi, comme propriétaire, est-ce que tu as le droit de dire pas de famille ou pas d'animaux? T'as pas le droit de dire pas de famille. Okay. T'as le droit de dire pas fumer. Mais après, t'as le droit de convaincre les gens qui viennent en famille que c'est peut-être un peu petit pour leurs besoins. Okay. Nous, en haut de chez nous, c'était un 4,5, puis on avait une famille de 5 qui était venue visiter, puis on disait, vous allez être un peu à l'étroit. Là. Nous, on a deux fois la superficie que vous avez parce qu'on a un sous-sol, puis on est 4. Puis on est en plus. Vous êtes sur la liste d'attente parce qu'on l'a déjà un peu... C'est ça. C'est surtout ça. C'est surtout vous êtes sur la liste d'attente. Mais tu sais, il y a toujours moyen d'orienter la patente pour essayer de convaincre les gens que c'est peut-être pas ce qu'ils cherchent. C'est peut-être un peu plus loin de la job qu'ils pensaient, tu sais. Ouais. Oui, c'est proche des transports en commun, mais ils passent pas si souvent. Comprends. Il y a beaucoup de... Blâmer la STM. Ouais. Ils passent pas si souvent. Si, ben là, bon, ils viennent passer là. Trois fois de fois. Mais maintenant, tu sais, il y a aussi, tu sais, identifier une mauvaise personne, mais il y a, tu sais, trouver la stratégie pour lui refuser aussi, tu sais. Ouais. Il y a la fameuse liste d'attente, mais tu sais, il y a-tu d'autres façons de dire ça marchera pas, tu sais, t'as-tu le droit de dire ça à quelqu'un, tu sais? Je le sens pas, on va être en conflit. Non, t'sais. Mais rares sont les gens qui, sur le champ, vont dire « je le prends ». Donc, souvent, t'as pas tant ce problème-là à gérer. Souvent, il y a des trucs de, tu sais, les gens vont dire « on va y penser, on va vous rappeler pour vous donner nos informations okay. », parce que souvent, tu demandes des références de job ou de propriétaire actuel pour réussir à voir de quel genre de locataire okay. c'est. Fait t'as toujours comme ce moment-là entre le moment où ils visitent puis le moment où ils disent « je le prendrai » pour te trouver une raison. Pour... Okay. Il y a personne qui s'attend à se faire dire « c'est beau, c'est à toi ». Non, c'est ça. Pour être sûr, là, mettons, je visite un appartement, tout de suite, là, sur le coup, je dis « c'est beau, je le prends », puis si la personne n'a pas la présence d'esprit de trouver une bullshit, il est obligé de me le louer, là. Ben, il est obligé de te le louer si toi, tu peux prouver que t'as les moyens de le payer. Puis si t'es capable de prouver que je le prends. Oui, mais... oui. Parce qu'après, si mais mettons qu'il y a quelqu'un de naïf qui arriverait et fait « ah, vous êtes notre premier qui... » Puis là, moi, tu l'as enregistré. « c'est beau, je le prends. » Puis je mettais deux palettes de cash à table. Ouais, tu l'aurais. Je l'aurais, là. Personne ne peut me l'enlever, là. J'ai quasiment le goût d'aller loin d'appart. Ça peut marcher. Parce qu'il y a eu des plaintes pour ça à la régie du logement. Des gens qui se disaient qu'ils avaient été victimes de racisme, de sexisme. Ouais. Des familles qui disaient « on nous a pas loué parce qu'on a des enfants. » Puis ils voulaient un deuxième étage. Puis ils voulaient pas avoir des enfants chez eux. C'est arrivé, là. Puis en tant que propriétaire, je le comprends. Ouais. Que tout c'est, ben, le racisme, c'est un peu de la merde, là, mais ouais. que de ne pas vouloir une famille en haut de chez eux, je le comprends. C'est ça. Puis j'ai des enfants. Là, oui, non, c'est mais je les entends courir, puis vivre en dessous de ça, ça doit être un peu l'enfer. Fait que je le comprends. Fait que c'est ça. C'est un peu bizarre parce que tu es propriétaire d'un endroit, mais tu es obligé de l'ouvrir à tout le monde. Tu n'as pas le droit de choisir. C'est une drôle relation. Mais tu as le droit de choisir le montant que tu demandes. C'est par ça. Exemple. Mais ça, c'est une autre des façons que tu peux contrôler les gens qui viennent, c'est de dire ben, je vais louer plus cher que c'est le prix du marché. Comme ça, les gens qui vont venir ont les moyens de se le payer. Ou de le rénover ultra chic, entre guillemets, là, pour que les gens qui viennent se disent ben, tu sais, ils ont les moyens de le payer. Fait que ça, c'est un des gros barèmes. Loue le cher, puis au pire, si c'est une personne qui est evil, ben, elle va payer cher. Ouais, c'est ça. Mais peut-être qu'il se prend... Sauf que si tu t'es fié sur le fait que tu le louais cher et que la personne finalement paye pas, ben, ça se peut que ça te mette vraiment dans la merde. Mais là, t'as des recours si elle paye pas. Ouais, mais c'est très très long. La régie, encore une là, est pas très efficace. Mais tu sais, tantôt, quand tu parlais d'annoncer ça aux bonnes places, il y a peut-être un filon là-dedans de... Au lieu d'essayer de filtrer les bonnes et les mauvaises personnes, juste de faire « je vais trouver la meilleure personne ». Oh! Tu sais, ce serait quoi? Si Pierre-Luc est un fan de lutte, peut-être qu'il veut pas un lutteur en haut de chez eux, mais... Ou peut-être qu'il en veut un, tu sais, c'est ça. Donc, est-ce qu'il va mettre ça dans les galas de lutte de sol d'église ou après dans ça... Dans le programme de Joe. Des universités en sexo pour avoir une fille une un stimulation. Peu ouais, des filles en trench. Ouais. Mais moi, je trouve que pour vrai, Facebook, c'est la meilleure place. C'est un préjugé à la fois. À ce temps-ci de l'année, là, il y a toujours du monde qui écrivent « cherche un appart pour juillet ». C'est vrai. Nan. C'est le meilleur moment pour essayer de trouver du monde qui connaisse du monde ou juste de lancer une annonce ouverte. Il y a toujours quelqu'un qui a une sœur ou un frère ou une cousine qui cherche un appart. Mais ça, c'est parce que tu trustes les amis Facebook. Ouais, c'est ça. C'est parce que moi, je les filtre. J'en ai pas 1200 comme vous autres. Ouais, ouais. Même en les filtrant, je veux dire, je truste pas mes amis proches. Ah, ben ça, c'est... ça sera pour un prochain podcast. Il s'est fait fourrer dans des grandeurs nature. Ouais. Je suis jamais allé. Je tiens qu'on mette ça pour les autres. Je suis jamais allé dans un grandeur nature. C'était un grandeur moyen. J'ai vu un film là-dessus qui était quand même intéressant. Je lance une autre question. Le sexe du locataire. Mm. Mettons, là, ça va être deux colocs de filles. Puis mettons genre... trois gars un peu sales. Là. C'est sûr que t'as plus envie d'avoir genre le petit couple de filles propres. Là. Mais en même temps, ils vont peut-être être plus chialeuses, par exemple. Je sais pas. Ou non, ça dépend. Ça dépend de la bière l'été avec tes voisins. C'est quelque chose qui tente pas. La configuration aussi de ton triplex. Tu sais. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de ça aussi, hein, des colocs qui louent plus grand que parce qu'ils se mettent ensemble. Mais des fois, la configuration de la maison est pas bonne pour ça. Là, puis ils finissent par faire une chambre dans un salon. Puis c'est un peu tout croche. Là. Ça dépend aussi de la blonde à Pierre-Luc. Là, s'il est mieux de prendre deux pichous que. Que deux super babes. Là. Ouais. Mm. Le fait. Ouais. Puis se regarder encore. Ouais. Quand ils montent les escaliers. Non. Hein? Salut Geneviève. Oui, c'est une invitation. On a reconnu l'invitation. Non, pas tout. Ouais. Mais c'est quoi son seuil de tolérance aussi? Tu sais, il y en a qui vont assumer. Moi, j'ai eu des bons propriétaires, hein, même, je pense. Parce qu'on a poussé notre luck à... Ouais, toi, tu vivais, là, quelques des appartes à 4, là, puis tout. Ouais, là. Mais ça, oui. L'appart de l'an 2000. Oui. Quand tu vivais avec Jolène, ça. Avant, non? Elle est venue me remplacer. Ah. Mais on a poussé notre luck. Mm. C'est-tu l'ambassade, ça? Oui. L'ambassade sur Saint-Hubert, c'est des minorités visibles. Oui. Oui, l'ambassade des minorités visibles, on avait beaucoup de plaisir. Et, c'est un bel appart, ça, en plus. Oui, ça appartenait à comment, Daniel Louis, un producteur cinéma. OK. D'ailleurs, On salue. Oui, si vous passez devant, c'est Napoléon Saint-Hubert. Il y a de très belles portes en fer forgé. Oui, non, c'est un très bel appart, ça. Mm-hmm. Il y en a eu des parties, là. Jamais allé, mais j'en ai entendu parler. Ah. On va retourner. On y va tout de suite. J'ai encore les clés. On prend le fer. Mais c'est quoi son seuil de tolérance à Pierre-Luc? Oui. Vous, c'est quoi? Ben moi, j'ai des jeunes enfants. Hein, fait que c'est sûr que faut pas que je t'entende beaucoup parce que les enfants dorment. Fait que mon seuil de tolérance est très bas. Ouais. Moi, quelqu'un qui paye et avec qui je m'entends bien, ça serait suffisant. Là. Et qui. Je suis pas stressé de voir l'état de la place à toutes les fois que je rentre. C'est ça. Après, je peux être relativement tolérant au bruit, moi, quand même. Ouais. Fait, tu vois, nous, on a loué à deux étudiants qui viennent de finir en théâtre. Fait qu'on les entend chanter, puis ils font du bruit un peu, mais ils sont super smart. Fait que. Ça patche pour bien des petits problèmes que tu pourrais avoir d'avoir une bonne entente. Puis, un des trucs aussi, c'est une fois que tu as loué, de cultiver la bonne entente. T'sais, nous, mettons, au jour de l'an, on donne une bouteille de vin. Il y a comme quelque chose, là, eux autres, ils nous ont donné un roast beef d'Orignal. Qui a été chassé par le frère. Respect là-dedans. Fait que tu sais, il y a quelque chose là-dedans que tu fais, quand on bâtit une relation qui fait en sorte que ben c'est comme d'entretenir le bon voisinage là, que dès qu'il y a un petit problème plutôt que de devenir un gros problème tout de suite, on dirait que t'as comme une relation de bonne entente qui fait tu peux te permettre de te réveiller sous un monologue de Phèdre. Oui. Moi, mon dernier... Hippolyte! Mon dernier... Grand Dieu! Oui, j'allais dire, mon dernier propriétaire, moi, c'était Ronald, un ancien escapade qui s'était fait faire un facelift pendant qu'on vivait là. On salue, d'ailleurs. Le beau Ronald. On est loin, pourtant, au escapade, Oui, là, c'est... Le maquillage aurait pu travailler. C'était un truc, c'est un drôle de petit monsieur seul, là. Mais... à la limite, attends, moi, là, c'est moi qui se sentais souvent importuné par un propriétaire un peu, tu sais, qui veut être un peu ton ami, là, puis comme, qui s'incruste un peu, là, tu sais. C'était un homme seul. Ça me fait du bien, cette face-là. Ouais, c'est genre ça, là, tu sais. Tu vois mes nouvelles photos de Disney on Ice. Mais, une question pour Étienne. D'ailleurs, t'as déjà été dans les deux situations. Est-ce que, non, ben, bref, est-ce qu'on t'accepte des amis? Moi, j'ai déjà loué à un propriétaire qui est un ami, mais ouais, j'ai jamais, ça. Moi, loué à des non, amis. Non, c'est ça. Okay. Mais est-ce que tu le ferais? Ça dépend des amis, à quel point des amis. Ouais. Mmh. Dans des amis proches, je le ferais pas, je pense. Mais des amis, comme des connaissances, oui, là. Genre, moi, là. Genre, toi, non. Ah, on est proches! C'est le test de savoir si t'es proche ou non. C'est le filtre de tes belles. Non, mais, oui, ok. Etienne, pour d'autres raisons, t'as un bon filtre. Je suis pas une bonne personne. T'es pas une bonne personne. Non, mais c'est sûr que t'as des enfants. C'est moi, les enfants. J'aguise. Mais c'est vrai qu'un ami trop proche, à la limite, là, on dirait que ça crée des obligations. T'sais. Ben, c'est pas tant que c'est un problème. C'est... Si ça se passe bien, c'est ce micro-là. C'est le moment où ça se passe pas bien que là, ça, comme, ça joue sur des drôles de territoires ou, tu sais, le jour où. C'est pas ton meilleur ami. Ouais, ou tu veux repeindre puis parce que les murs sont dégueulasses ou la salle de bain, il y a quelque chose qui coule. C'est ce jour-là où c'est comme touché d'aller voir ton ami puis faire ouin, ça te coûterait 1500$ réparer la patente. Ah, c'est comme plate. C'est dans le temps. Elle avait pas de la misère à vous le dire. Non, mais tu sais, mettons, quand on a eu des souris, puis elle disait, ben non, vous avez pas de souris, puis on faisait, ouais, on a des souris. Puis là, elle faisait, ben non, vous avez pas de souris. Fait que tu sais, c'est comme ce moment-là où elle a essayé le vieux truc Jedi, ça. Ouais, c'est ça. Ça ne sent pas les souris que vous cherchez. On a quand même des souris, fait que faudrait que tu fasses quelque chose, mais ouais, mais non, vous en avez pas. Ouais. Fait que c'est ce moment-là où c'est comme, ça joue sur une zone qui est pas super le fun. C'est clair. Bon. Est-ce qu'on a d'autres solutions, une piste de solution? J'ai plus des questions que des solutions. Ben, vas-y, tu sais, comme mettons l'âge de la personne, l'âgisme, tu sais, mettons une personne très âgée se présente là, pour louer ton appart, tu sais. C'est intéressant, ça, ou c'est pas intéressant? Tu vois, moi, ma mère aussi, elle est propriétaire, elle a des blocs, puis elle disait, les personnes âgées, pour elle, c'est comme le target qu'elle vise. Là. It's gold, baby! Ah, ouais, parce qu'ils sont habitués de payer leurs petites affaires, ils sont très tranquilles, ils font pas de troubles. C'est pas des gens qui vont te détruire un appart puis se sauver la nuit, là, tu sais. C'est-à-dire, quand t'as 65 ans, tu te sauves pas la nuit, là. Tu te sauves pas la nuit. Ouais, tu croises les doigts pour que ça dure 15 ans, au moins. Ben, c'est le problème qu'elle a, c'est que souvent, il faut les renouveler. Ça a renouvelé. Mais ça fait en sorte que, tu sais, comme ils partent plus souvent, ben, tu peux augmenter ton loyer plus souvent. Ah oui, c'est comme des avantages. C'est vrai qu'il y a des gens qui cherchent ça aussi, là, parce que des fois, juste le petit 5%, ça fait pas. Ouais. Parce que quand tu as un locataire qui reste 20 ans, ben, souvent, l'appart, tu l'as pas rénové depuis 20 ans, parce que la personne habite dedans, fait que ça fait que ça perd un peu de la valeur. Et donc, ta bâtisse perd de la valeur aussi. Fait que vraiment, des gens qui y renouvellent souvent, c'est pas de mauvaise affaire. Ça te permet de faire. Il y a le truc de céder ton bail aussi à quelqu'un d'autre. Ouais, ça, c'est lui capable de continuer. Ça, c'est l'enfer. Ouais. Mais genre, une affaire de pour un propriétaire. Pour un propriétaire, mais c'est l'enfer. Tu te pointes dans un rassemblement des gens les plus vieux au Québec. Oui, les groupes d'entraide de cancer. Ouais. Recrutés au Résident Soleil. Ah oui. Oh non, c'est dégueulasse. Mais, hein? Non, mais c'est correct, c'est correct. Mais c'est tricky aussi quand, quand une personne qui décède dans l'appartement qui est relouée, hein? Ça, c'est du tout. C'est dur de la relouer après. Ben, c'est pas tant dur de la relouer après que. T'es souvent en plein milieu de l'année, il n'y a pas nécessairement des gens qui vont chercher un appartement. T'es obligé de garder toutes les choses jusqu'à temps que la succession soit réglée. Mais pendant ce temps-là, tu ne recueilles pas de loyer parce que la personne est décédée. Fait que t'es mieux de trouver quelqu'un. Plein, mais qui ne paye pas. Est-ce que tu pourrais, pure question, là, payer pour entreposer ce stock-là et relouer ton appartement? Okay. C'est peut-être moins cher que tu as le droit. Donc, trouver quelqu'un qui a des proches assez tight, là, tu sais, qui vont faire... Je vais être là demain. Je vais ramasser ça. Ou être evil puis dire là, si vous venez pas le chercher, ça va dans le feu là. Ben oui, c'est une bonne solution ça. Être plus evil que le evil. Ouais. Puis connaissant Pierre-Luc, il est capable. On le voit rire de façon machiavélique dans toutes les entrevues juste pour rire. Oui, oui, oui, parce qu'il y a eu son problème où. Ils ont utilisé sa face dans toutes les entrevues. Ouais. Okay. Ils rient dans. Ouais. Même des humoristes qui n'aiment pas du tout. Là, c'est vraiment drôle. Mais oui, ok. Avoir une liste de règlements trop intense pour le bloc peut décourager des gens. Ouais. Un genre de. Mais ça peut décourager du bon monde aussi. T'sais. Moi, mettons, je pense que je suis un locataire qui se peut, mais si tu me mets une liste de règlements épaisse, genre, après ça, quand tu peux avoir des rideaux rouges. Mais là, mais ça permet peut-être de filtrer, de voir, tu sais, la personne, regarde, j'ai pas le temps de niaiser avec ça. Oups, tu pognes après. C'est une blague. T'as passé une blague. Maintenant, voici une autre blague. Ouvre cette canne de... Ouvre la valise. C'est un bail. Pour rentrer, t'as comme les lettres de Jéhovah. Puis c'est genre, le pénitent le passe. Bon, solution préférée. Ah, c'est un... Oh, on a, ah, ouais, oui, on a sorti. Okay. Solution préférée? Le filtre Coderre. Clairement, sur Twitter. Sur Twitter, oui. Ouais, oui ou non, mettre au défi le filtre Coderre. À défaut d'avoir Coderre, il y a probablement un oncle dans l'entourage qui a un peu le filtre. Tu sais, il y a des... Nobody beats Coderre. Non, mais... Un oncle de vin. Oui, non, c'est sûr. Même pas Mélanie Jolie. Mais est-ce que il y a pas quelqu'un dans son entourage qui a engagé beaucoup de monde dans sa vie? Peut-être ça. Mmh. Un polygraphe. Ouais. Ou une personne aux ressources humaines, mettons. Ouais. Non, mais je vois bien, là, mettons, quelqu'un, c'est ça, quelqu'un qui... Mmh. Un gérant chez McDo, là. Ça n'envoie de la scrap, là. Tu sais, si tu veux, mettons que tu veux des locataires jeunes, là. Ouais. Je sais pas, ou... Non, quelqu'un dans son entourage qui a l'habitude de filtrer. Ouais. À défaut d'avoir Coderre. Moi, je pense que je me fixerais comme un espèce de profil socio-démo là, idéal, là, puis j'essaierais de le trouver par des moyens détournés, tu sais, justement par Facebook ou par les annonces. Tu sais, que, tu sais, si tu veux, mettons, comme je disais, là, deux petites étudiantes propres, là, ça se trouve, là, je pense. Mm-hmm. Ça dépend de ce que tu veux faire. Tu publies dans le wild. Qu'est-ce que tu veux faire? Là? Je cherche des étudiantes très propres. Très propres. Mais projet de groupe. Si tu leur donnes, tu fais un concours, genre ouais. La meilleure vidéo YouTube. Mmh. Locataire Academy. OK. Bon, je pense qu'on est épuisé. OK. Hey, non, mais si vous avez des solutions hein, et des problèmes, écrivez-nous sur Facebook ou pasdeproblème@gmail.com. On est même sur Google Plus. J'y vais une fois par mois. Et allez sur iTunes et votez pour nous. 5 ou rien. Même chose sur baladoquebec.ca. Et allez voir nos broadcasts sur rzoweb.com. Yeah! C'était dit avec assurance. Oui. Et on en veut des problèmes. Hein? Envoyez-nous ça. Et on vous invite aussi à venir voir la Lime. Ça finit quoi? Ça finit fin mai. Il reste 3 semaines. Ouais. À peu près. De belles semaines. De belles semaines. Oui. Ah oui. Et le mot de la fin, Étienne? Bonsoir. Vous avez un problème? Nous avons Mathieu Bouillon. Un podcast! Non, ça peut pas arrêter tant que ça. Good night and good luck. Thank you. Come again. Nous avons un problème. Vous avez... C'est vrai. Salopard. Vous avez un problème, nous avons un podcast. Salut. Yeah. Parfait. C'est le mot de la fin le plus complexe.